Chapitre 51. Après les promesses échangées entre Mademoiselle de Beauménil et Olivier Raymond en présence d'Herminie, les trois acteurs de cette scène gardèrent pendant plusieurs instants un silence solennel. Tous trois sentaient la gravité de cet engagement. « Quel bonheur d'être riche, » pensait Olivier, « car maintenant je suis riche auprès de cette pauvre enfant qui n'a que son travail pour vivre. » Quel bonheur de pouvoir lui assurer une existence au-dessus de ses plus beaux rêves. » Et ses traits rayonnant de joie à cette pensée, il rompit le premier silence et dit à Mademoiselle de Beauménil : « Avant d'être certain de votre consentement, mademoiselle, je n'avais voulu faire aucune démarche auprès de votre parente, qui, j'ai tout lieu de l'espérer, n'est-ce pas, agréera ma demande. Quant à mon oncle, ai-je besoin de vous dire que sa joie égalera la mienne lorsqu'il saura qu'il peut vous appeler sa fille ? Ce sera donc lui, si vous le jugez convenable, mademoiselle, qui se rendra auprès de votre parente pour lui faire ma demande. » Ces paroles d'Olivier jetèrent Ernestine dans une grande perplexité. Cédant à un élan de confiance irrésistible, qui lui disait qu'elle rencontrerait chez Olivier toutes les garanties de bonheur et de sécurité possibles, elle n'avait pas réfléchi aux difficultés sans nombre résultant de son incognito qu'elle n'osait rompre à l'instant même. Pourtant, déjà quelque peu familiarisée avec les embarras soudains qui naissaient de la position qu'elle s'était créée, Mademoiselle de Beauménil répondit à Olivier après un moment de silence. « Je ne saurais vous dire aujourd'hui, monsieur Olivier, s'il est préférable que ce soit monsieur Bernard ou Herminie qui aille trouver ma parente pour l'instruire de vos intentions et de mon consentement. J'y penserai, et la première fois que je vous verrai, je vous ferai part de ce que je crois le plus convenable. » « Ernestine a raison, monsieur Olivier, » reprit Herminie. « D'après ce que je sais du mauvais caractère de sa parente, il faut agir avec prudence. Car enfin, c'est un malheur. Mais le consentement de cette parente est indispensable au mariage d'Ernestine. » « Je m'en rapporte complètement à mademoiselle Ernestine et à vous, mademoiselle Herminie, sur la manière de faire cette démarche. Certain du consentement de mademoiselle Ernestine, je puis attendre dans cette douce pensée. » « Oh, bien douce, mademoiselle Ernestine, si vous saviez avec quel contentement je songe à notre avenir, je puis maintenant dire cela. Et mon brave et digne oncle, quelle joie va être la sienne de se voir entouré de nos soins, car cela ne vous contrariera en rien, n'est-ce pas, mademoiselle Ernestine, de vivre auprès de lui. Il est si bon, il est si heureux. » « Ne m'avez-vous pas dit, monsieur Olivier, qu'il m'appellerait sa fille? Je serais jalouse de justifier ce titre. » « Dites, mademoiselle Herminie, » reprit Olivier s'adressant à la duchesse, « après une telle réponse, peut-il être un bonheur plus complet que le mien ?»« Non, monsieur Olivier, » reprit la duchesse en étouffant un soupir et songeant qu'elle aurait aussi pu jouir d'une félicité pareille si Gérald eût été dans une position aussi modeste que celle d'Olivier. « Non, je ne crois pas qu'il y ait de bonheur comparable au vôtre et plus mérité. Aussi, je me réjouis pour mon ami. » « Dame, mademoiselle Ernestine, » dit Olivier en souriant, « nous ne serons pas de gros seigneurs, car un sous-lieutenant, c'est peu de chose, mais du moins, une épaulette honorablement portée nivelle toutes les conditions, et puis je suis jeune, et au lieu d'une épaulette, je puis en avoir deux, puis devenir chef d'escadron, peut-être colonel. » « Ah, monsieur Olivier, » dit Ernestine en souriant à son tour, « voilà de l'ambition. » « C'est vrai. » « Maintenant, il me semble que j'en suis dévoré d'ambition. Je serais si heureux de vous voir jouir de la considération dont est entourée la femme d'un colonel. Mon pauvre oncle serait-il assez fier pour vous, pour moi, et aussi pour lui de me voir ce grade? Et puis, mademoiselle Ernestine, savez-vous que nous serions millionnaires avec notre solde de colonel? Alors quel plaisir pour moi de vous entourer de bien-être, d'un peu de luxe même. » De vous faire oublier ce que votre première jeunesse a peut-être eu de pénible. Et enfin, de voir mon pauvre oncle à l'abri de la gêne dont il a parfois tant souffert. Oui, malgré vos généreux efforts, monsieur Olivier, dit Ernestine avec émotion, malgré les travaux continuels dont vous vous chargiez pendant votre congé. Ah, mademoiselle Herminie, vous avez été bien indiscrète, dit gaiement Olivier à la duchesse. En tout cas, reprit-elle, « mon indiscrétion a été très désintéressée, car lorsque j'ai dit à Ernestine tout le bien que je savais de vous, monsieur Olivier, j'étais loin de me douter que vous deviez sitôt me justifier. »« Et moi ?» reprit Ernestine en souriant, je dirai à M. Olivier, avec cette franchise dont il est avide, qu'il me méconnaît beaucoup s'il me croit ambitieuse du luxe qu'il me promet un jour. Et moi, dit Olivier, je répondrai tout aussi franchement que je suis horriblement égoïste, qu'en espérant pouvoir entourer Mademoiselle Ernestine de bien-être et de luxe, je ne songe qu'au plaisir que je me promets. Mais moi, qui suis la raison en personne, dit à son tour Herminie en souriant avec mélancolie, je dirai à Mademoiselle Ernestine et à Monsieur Olivier qu'ils sont deux enfants de s'occuper de ces rêves dorés. Le présent ne doit-il pas les contenter? Allons, je l'avoue, j'ai tort, reprit gaiement Olivier. Voyez un peu où l'ambition vous conduit. Je pense être colonel, au lieu de me dire que mon brave oncle et moi, grâce à ma solde de sous-lieutenant, nous n'avons jamais été aussi riches, près de 2000 écus par an. Quelle joie de pouvoir dire « À nous trois, mademoiselle Ernestine !»« 1000 écus par an, mais c'est énorme cela, monsieur Olivier !» s'écria la plus riche héritière de France. « Comment dépenser tant d'argent ?»« Pauvre petite !» se dit Olivier, tout glorieux d'être si gros seigneur. « Je m'en doutais bien. Pour elle, si malheureuse jusqu'ici, c'est une grande fortune. » Et il reprit tout haut. « C'est égal, mademoiselle Ernestine. Nous en viendrons à bout, allez, de nos 3000 francs. D'abord, je veux que vous soyez mise à ravir. » Des toilettes simples, mais élégantes. « Mon Dieu, quelle coquetterie, monsieur Olivier !» dit Ernestine en riant. « Pas du tout, mademoiselle, c'est de la dignité. La femme d'un officier, jugez donc, il y va de l'honneur du grade. »« S'il s'agit de l'honneur du grade, » reprit en riant mademoiselle de Beauménil, « je me résignerai, monsieur Olivier, mais à condition que votre cher oncle aura un joli jardin, puisqu'il aime les fleurs. » « C'est bien entendu, mademoiselle Ernestine. Nous trouverons facilement un petit appartement avec un jardin dans un quartier retiré, car étant en garnison à Paris, nous ne pourrons demeurer aux Batignolles. Et, ah mon Dieu !»« Qu'avez-vous donc, monsieur Olivier ?»« Mademoiselle Ernestine, » dit le jeune officier avec une gravité comique, « êtes-vous bonapartiste ?»« Moi, monsieur Olivier ?»« Certainement. J'admire l'empereur. Mais pourquoi cette question ?» Alors, mademoiselle, nous sommes perdus. Mon pauvre oncle abritant est là, sous son toit, la plus implacable ennemie du grand homme. Vraiment, monsieur Olivier? Vous frissonnerez en entendant les effroyables histoires qu'elle en raconte. Mais pour parler sérieusement, mademoiselle Ernestine, j'aurais à vous demander d'avance votre indulgence et votre intérêt pour une digne femme, la ménagère de mon oncle, qui depuis 10 ans qu'elle le sert n'a pas été un jour sans le combler de soins excellents et sans le quereller à outrance au sujet de l'ogre de Corse. Eh bien, monsieur Olivier, je ne parlerai de mon admiration pour l'empereur qu'à votre cher oncle. Je la dissimulerai devant cette brave femme. Vous le verrez, je serai très politique, et elle m'aimera malgré mon bonapartisme. Madame Mouflon, la portière, ayant frappé à la porte, interrompit l'entretien en apportant une lettre pour Herminie. Celle-ci, reconnaissant l'écriture de M. de Maillefort, dit à la portière de faire attendre un instant la personne qui lui avait remis cette lettre, à laquelle elle allait répondre. Olivier, craignant d'être indiscret, ayant hâte d'aller retrouver le commandant Bernard afin de lui rendre compte de l'heureux succès de sa démarche, dit à Mademoiselle de Beauménil, « J'étais venu ici bien inquiet, Mademoiselle Ernestine. Je m'en vais grâce à vous le plus content des hommes. Je n'ai pas besoin de vous dire, mademoiselle, avec quelle impatience je vais attendre le résultat de votre détermination au sujet de votre parente. Si vous jugez convenable que mon oncle fasse une démarche auprès d'elle, veuillez m'en informer. Lors de notre prochaine entrevue, monsieur Olivier, qui aura lieu ici, chez Herminie, je vous dirai ce qu'il me paraît le plus convenable de faire. À cette entrevue, vous me permettrez, n'est-ce pas, d'amener mon oncle, car il aura tant à vous dire, ajouta Olivier en souriant. Il aura un tel désir de vous voir qu'il y aurait de l'imprudence à ne pas l'admettre. Il serait capable de tout pour arriver jusqu'à vous afin de vous dire sa joie et sa reconnaissance. Herminie et moi, nous ne pousserons pas votre cher oncle à de si terribles extrémités, car je suis moi-même très impatiente de le revoir. À bientôt donc, monsieur Olivier. À bientôt, mademoiselle. Et Olivier, sortant, laissa les deux jeunes filles ensemble. Herminie ouvrit alors la lettre de monsieur de Maillefort. Elle contenait ces mots. C'est toujours demain samedi, ma chère enfant, que je vous conduis chez mademoiselle de Beauménil. Seulement, si vous le voulez bien, je viendrai vous prendre vers 3 heures de l'après-dîner, au lieu de venir à midi ainsi que nous en étions convenus. Un mien cousin Germain, le chef de ma famille, le prince-duc de Haumartel, excusez du peu, vient de mourir en Hongrie, ce qui m'est fort égal, quoique j'hérite de ce parent. Je reçois cette nouvelle par l'ambassade d'Autriche, où il faut que je me rende demain matin pour quelques formalités indispensables, ce qui, à mon grand regret, m'empêche d'aller vous prendre aussitôt que je vous l'avais promis. À demain donc, ma chère enfant, vous savez mes sentiments pour vous, Maillefort. Ernestine, vous me permettez de répondre un mot à cette lettre, n'est-ce pas ? Dit Herminie en s'asseyant devant la table. Pendant que la duchesse écrivait à M. de Maillefort, mademoiselle de Beauménil, rêveuse, réfléchissait avec une satisfaction croissante à l'engagement qu'elle venait de prendre envers Olivier. La duchesse répondit à M. de Maillefort qu'elle l'attendrait le lendemain à 3 heures, ainsi qu'il le désirait. Puis, sonnant Madame Mouflon, elle la pria de remettre cette réponse à la personne qui avait apporté la lettre. La portière sortie, Herminie revint auprès de mademoiselle de Beauménil et, se trouvant enfin seule avec elle, l'embrassa tendrement en lui disant « Ernestine, vous êtes bien heureuse, n'est-ce pas ?»« Oh oui, bien heureuse, » répondit mademoiselle de Beauménil, « car c'est ici, chez vous, Herminie, que ce bonheur m'arrive. Quelle générosité de la part de Monsieur Olivier ! Comme il faut qu'il m'estime et qu'il m'aime réellement, n'est-ce pas ? Pour vouloir m'épouser, lui qui se trouve dans une position si au-dessus de la mienne. » Et cela, voyez-vous, Herminie, suffirait à me le faire adorer. Quelle confiance ne dois-je pas avoir dans ses promesses ? Avec quelle sécurité je puis maintenant envisager l'avenir, quelles que soient les circonstances où je me trouve un jour ? Croyez-moi, Ernestine, il n'est pas de félicité plus assurée que celle qui vous attend. Votre vie sera douce et fortunée. Aimer, être aimé noblement, est-il un sort plus digne d'envie ? Et par un cruel retour sur elle-même, la pauvre duchesse ne put s'empêcher de fondre en larmes. Mademoiselle de Beauménil comprit tout et dit tristement « Il est donc vrai ? Il y a donc toujours une sorte d'égoïsme dans le bonheur ? Ah, Herminie, pardon, pardon, combien vous avez dû souffrir ! Chaque mot de notre entretien avec M. Olivier devait vous porter un coup douloureux. Vous nous entendiez parler d'amour partagé, d'espoir, d'avenir, et à toutes ces joies, vous pensiez qu'il vous faudra peut-être renoncer. Ah, notre insouciance a dû vous faire bien du mal, Herminie. Non, non, Ernestine, dit la pauvre créature en essuyant ses pleurs. Croyez au contraire que votre contentement m'a été salutaire et consolant. N'ai-je pas, pendant toute cette matinée, oublié mes chagrins, hélas, désespéré ? Désespéré, mais pourquoi cela ? Monsieur de Senneterre est digne de vous ! S'écria inconsidérément Ernestine, en se rappelant la conversation de la veille avec Gérald. « Il vous aime comme vous méritez d'être aimé, je le sais. »« Vous le savez, Ernestine, et comment cela ?»« Je veux dire que j'en suis sûr, Herminie, » répondit Ernestine avec embarras. « Tout ce que vous m'avez raconté de lui me prouve que vous ne pouviez mieux placer votre affection. Les obstacles qui s'opposent à votre mariage sont grands, je le crois, mais ils ne sont pas insurmontables. »« Ils le sont, Ernestine. » Car je ne vous avais pas confié cela. Mais ma propre dignité veut que je n'épouse M. de Senneterre que si sa mère vient ici, chez moi, me dire qu'elle consent au mariage de son fils. Sans cela, je ne voudrais à aucun prix entrer dans cette noble famille. « Oh, Herminie !» s'écria Ernestine. « Combien j'aime en vous cet orgueil. Et M. de Senneterre, qu'a-t-il répondu ?»« De nobles et touchantes paroles, » reprit Herminie. Elles m'ont fait pardonner la tromperie dont j'avais été victime. Lorsque M. Olivier lui annonçait ma résolution, loin d'en paraître surpris ou choqué, Gérald a répondu « Ce que demande Herminie est juste. Cela importe à sa dignité comme à la mienne. Le désespoir est lâche et stérile. C'est à moi d'obliger ma mère à reconnaître la valeur de la femme à qui je suis fier de donner mon nom. Vous avez raison, Herminie, ce sont là de nobles et touchantes paroles. « Ma mère m'aime tendrement, » ajoutait M. de Senneterre. « Rien n'est impossible à une passion vraie. Je saurais convaincre ma mère et l'amener à la démarche qu'Herminie a le droit d'attendre d'elle. À cela, Comment parviendrai-je? Je l'ignore, mais j'y parviendrai parce qu'il s'agit du bonheur d'Herminie et du mien. » Et cette courageuse résolution de Monsieur de Saint-Terre ne vous donne pas tout espoir? Dit vivement Ernestine. La duchesse secoua tristement la tête et répondit. La résolution de Gérald est sincère, mais il s'abuse. Ce que j'ai appris de sa mère me donne, hélas, la certitude que jamais cette femme hautaine, jamais, pour que dire jamais, s'écria Ernestine en interrompant son amie. Herminie, vous ne songez donc pas à ce que peut l'amour chez un homme comme M. de Saint-Terre? Sa mère est fière et hautaine, dites-vous? Tant mieux. Une lâche humilité lui trouvait impitoyable. Votre légitime orgueil la frappera, l'irritera peut-être, puisqu'elle est fière aussi, mais du moins, elle sera forcée de vous estimer, de vous respecter. Ce sera déjà un grand pas. Sa tendresse pour son fils fera le reste. Car vous ne savez pas jusqu'à quel point elle l'aime. Oui, elle l'aime assez aveuglément pour s'être compromise dans de misérables intrigues, afin de lui faire acheter une fortune immense, par une action indigne de lui. Pourquoi, lorsqu'il s'agirait, au contraire, d'assurer le bonheur de son fils par une démarche digne et louable, son amour maternel faiblirait-il à cette noble tâche? Croyez-moi, Herminie, il ne faut jamais désespérer du cœur d'une mère. En vérité, Ernestine, je ne reviens pas de ma surprise. Vous parlez de M. de Saint-Terre et de sa famille comme si vous les connaissiez. Eh bien, s'il faut tout vous dire, prit Mademoiselle de Beauménil, qu'il ne pouvait résister au désir de calmer les craintes de son amie et de la rassurer par l'espérance. Sachant combien vous étiez affligée, ma chère Herminie, j'ai tant fait, voyez comme je suis intrigante, que j'ai eu par ma parente des renseignements sur M. de Saint-Terre. Et comment? Elle connaît la servante de Mademoiselle de Beauménil, votre parente. Certainement. Et elle a su ainsi que Madame de Saint-Terre s'était mêlée à de tristes intrigues, dans le but d'assurer le mariage de son fils avec Mademoiselle de Beauménil, cette riche héritière. Gérald devait épouser Mademoiselle de Beauménil, s'écria Herminie. Oui, mais il a noblement refusé. L'attrait de cette fortune immense l'a trouvé indifférent parce qu'il vous aimait, parce qu'il vous aime passionnément, Herminie. Vrai, s'écria la duchesse avec ravissement. Vous êtes sûre de ce que vous dites là, Ernestine? Oh, très sûre. Non, ce n'est pas qu'un pareil désintéressement m'étonne de la part de Gérald, dit Herminie, dont le sein palpitait délicieusement. Mais vous êtes bien heureuse, bien fière de cette nouvelle preuve d'amour, n'est-ce pas? Oh oui, s'écria la duchesse, renaissant à l'espoir presque malgré elle. Mais, encore une fois, êtes-vous bien sûre de ce que vous dites, Ernestine? Pauvre enfant, vous désirez tant me voir heureuse que vous aurez peut-être accueilli comme vrai ces propos, ces bruits dont ces subalternes sont toujours prodigues. Mais j'y pense, reprit Herminie avec une certaine angoisse. Et d'après ces bruits, fondés ou non, Mademoiselle de Beauménil avait-elle vu Gérald? Je crois que ma parente m'a dit que Mademoiselle de Beauménil avait vu M. de Saint-Terre une ou deux fois. Mais que vous importe cela, Herminie? C'est qu'il me semble que demain je serai gênée, en songeant qu'il y a eu des projets de mariage entre Gérald et Mademoiselle de Beauménil. Et que doit-il donc se passer demain, Herminie? Je dois être présentée comme maîtresse de piano à Mademoiselle de Beauménil. Demain? Dit vivement Ernestine sans cacher sa surprise. Lisez cette lettre, mon ami, lui répondit la duchesse. Elle est de ce monsieur Bossu que vous avez vu ici. Sans doute monsieur de Maillefort aurait eu ses raisons pour ne pas me prévenir hier de la présentation d'Herminie, se dit Ernestine en lisant la lettre du marquis. Mais il n'importe. Il a sagement agi en hâtant ce moment, car mes forces de dissimulation avec Herminie sont à bout. Quel bonheur de pouvoir demain tout lui avouer. Et rendant à la duchesse la lettre de M. de Maillefort, Ernestine reprit. Eh bien, Herminie, qu'est-ce que cela peut vous faire qu'il y ait eu des projets de mariage entre M. de Saint-Terre et Mademoiselle de Beauménil? Je ne sais, Ernestine, mais je vous le répète, il me semble que cela me met dans une position fausse, presque pénible envers cette demoiselle, et si je n'avais promis à M. de Maillefort de l'accompagner chez elle, que feriez-vous? Je renoncerai à cette visite, qui maintenant me cause une sorte d'inquiétude. Ah, Herminie, vous avez promis, vous ne pouvez vous dédire, et puis, Mademoiselle de Beauménil n'était pas l'enfant de cette dame qui vous aimait tant, qui vous parlait si souvent de sa fille chérie. Herminie, songez-y. Ce serait mal de renoncer à la voir. Ne devez-vous pas cela, du moins, à la mémoire de sa mère ? Vous avez raison, Ernestine. Il faut me résoudre à cette présentation, et cependant... Qui vous dit, Herminie, qu'au contraire, votre rapprochement avec cette jeune demoiselle ne vous sera pas bien doux à toutes deux ? Je ne sais pourquoi, moi. J'augure bien pour vous de cette visite. Et je vous parle là avec désintéressement, car toute amitié est jalouse. Mais il se fait tard, Herminie, il faut que je rentre. Demain, je vous écrirai. La duchesse était restée un moment pensive. « Mon Dieu, Ernestine, » reprit-elle, « je ne puis vous dire ce qui se passe en moi, c'est étrange. » Le noble désintéressement de Gérald, mon entrevue avec Mademoiselle de Beauménil, votre réflexion sur le caractère de Madame de Senneterre, qui par cela qu'elle est très fière elle-même, comprendra peut-être les exigences que ma propre dignité m'impose, tout cela me jette dans un trouble singulier. Moi, tout à l'heure encore si désespéré, maintenant, j'espère malgré moi. Et grâce à vous, mon ami, mon pauvre cœur est moins serré que lorsque vous êtes arrivé. Si Ernestine n'eût pas respecté les projets de M. de Maillefort, quoiqu'elle les ignorât, elle eût mis un terme aux anxiétés de la duchesse et augmenté ses espérances, en lui donnant de nouvelles preuves de l'amour de Gérald et de la noblesse de son caractère. Mais pensant que tout serait bientôt éclairci, elle garda son secret et quitta Herminie. Le lendemain, selon sa promesse, M. de Maillefort vint chercher la duchesse et tous deux se rendirent aussitôt chez Mademoiselle de Beauménil.